dès 6-9 mois, les bébés connaissent un petit peu quelques mots. Le robot dans 20 ans, je m'appelle Peter. Je l'imagine descendre les poubelles. Je m'en charge volontiers. On est capable de diagnostiquer, de mieux traiter, dans quelques cas, avec l'ADN. L'espoir, finalement, c'est de réenchanter notre rapport au cosmos, à la nature et à la vie. Quelle est véritablement l'influence de l'environnement sur notre santé? Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, la pollution de l'air serait responsable de 6 à 7 millions de morts prématurées chaque année. L'espérance de vie, qui a tant augmenté au cours des deux derniers siècles, est en train de fléchir. L'univers des contaminants qui affectent l'air que nous respirons est une vaste jungle. La pollution peut avoir des effets sur divers organes et le risque est rarement bien géré. Rémi Slama est épidémiologiste à l'INSERM et il pratique la science des catastrophes invisibles. Pour lui, nous sommes aujourd'hui victimes des révolutions industrielles et nous vivons une transition épidémiologique. Rémi Slama est l'auteur du « Mal du dehors » paru aux éditions Coué. Les aventuriers sur France Inter. La pollution environnementale, aujourd'hui, c'est un facteur qui a plus d'impact sur notre santé que les maladies infectieuses. Pendant des millénaires, c'est contre les maladies infectieuses que l'humanité a eu à se battre. Au Moyen-Âge et avant, depuis les débuts de la révolution agricole, les causes extérieures des maladies, c'était la famine, les épidémies et les guerres. Aujourd'hui, en Europe, heureusement, on a à peu près réussi, en tout cas au cours des dernières décennies, à éradiquer les guerres, une bonne partie des problèmes liés à la famine, et d'ailleurs le problème c'est plus qu'on mange trop et mal que de ne pas manger assez. Et on réussit grâce aux vaccins, grâce au progrès de l'hygiène, depuis deux siècles, à beaucoup mieux contrôler les maladies infectieuses, qui tuent toujours. On peut s'attendre à des épidémies régulièrement. La grippe, c'est 10, 20 000 décès chaque année, mais beaucoup moins que les maladies chroniques, et on peut dire que vraiment aujourd'hui on vit sous le règne des maladies chroniques, cancer, maladies cardiovasculaires, maladies neurodégénératives. Dues à la pollution. Les maladies chroniques sont des maladies multifactorielles, ah oui, pour lesquelles on pense que la survenue du problème se fait sur le long terme, avec une combinaison de facteurs qui vont allier des facteurs comportementaux, environnementaux, en interaction avec le fond génétique de chacun, qui fait qu'on peut être plus ou moins sensible, plus ou moins capable de résister à ces agressions environnementales. Donc il faut vraiment avoir en tête un mécanisme de causalité de survenue des maladies qui est complètement différent de celui qu'on a quand on allume un interrupteur ou on a un facteur qui est nécessaire et suffisant pour entraîner un événement, la lumière qui s'allume. Pour des pathologies aussi complexes que les cancers, que les maladies cardiovasculaires, il faut plutôt imaginer qu'il y a une succession de petits coups qui sont portés contre une porte ou une paroi pas très résistante. Et un jour, la paroi lâche. Exactement. Mais depuis quand on fait le lien entre pollution et maladie chronique? Le lien entre maladie chronique et pollution, il a été fait il y a très longtemps parce que déjà Hippocrate, il avait écrit un traité où il parlait de l'eau, de l'air, des climats et où il expliquait que le médecin qui arrivait dans une ville devait s'intéresser à la direction des vents, à la qualité de l'eau, au régime des gens et à leurs activités. Après, il y a eu quelques scientifiques qui ont réussi à comprendre qu'il y avait un rôle de l'environnement. Par exemple, Paracels, qui est un des pères de la toxicologie, qui a notamment compris les problèmes des mineurs dans certaines montagnes, qui avaient des problèmes pulmonaires qui étaient liés au radon qui dégageait de ces mines dans lesquelles ils travaillaient. Et vous, quand vous respirez, vous y pensez? En fait, je vous avoue à titre personnel que j'y pense pas tant que ça. J'ai la chance de vivre dans une belle ville, dans les montagnes. Et je vois surtout l'environnement comme une source de bonheur, de plaisir, d'une incroyable beauté. Et dont, en étant dans une ville de taille moyenne, j'arrive assez bien à profiter au quotidien. Donc, c'est d'abord ça que je ressens dans mon environnement. Maintenant, dans notre travail avec mes collègues, on a à cœur de faire en sorte que les choses qui sont présentes dans notre environnement, qui ont un impact sur notre santé sans qu'on les voit, deviennent visibles et qu'on réussisse à identifier celles dont on pourrait peut-être se passer et qui ont un impact négatif sur notre santé. Ça, c'est notre travail de scientifique. 21 avril 1959, Radio-Télévision française. Yann Quéré, de l'Association pour la prévention de la pollution atmosphérique. L'air devient impropre à la consommation. Alerte, une réalisation de Fernand Lotte. Quels sont les dommages causés par la pollution ? Oh, ils sont énormes. Je vous citerai d'abord les dommages causés à la végétation, en vous rappelant un souvenir pas très agréable de l'occupation allemande. Les Polonia du square de Saint-François-Xavier ont fleuri uniquement pendant l'occupation allemande, au moment où la circulation automobile était complètement arrêtée. Ces Polonia ne fleurissent plus. Maintenant, en ce qui concerne les maladies, les aérosols qui sont contenus dans les brouillards et dans les smogs sont le meilleur véhicule de transport des virus. D'autre part, les gaz d'échappement des voitures et les fumées produites par les combustions incomplètes laissent échapper dans l'atmosphère des carbures d'hydrogène, dont l'un en particulier contient du benzopyrène, qui est un corps essentiellement cancérigène. 60 ans plus tard, c'est pire. C'est bien pire aujourd'hui. Je ne crois pas que la qualité de l'air soit bien pire aujourd'hui à Paris ou dans les grandes villes européennes qu'elle l'était dans les années 50, où on était probablement dans une des périodes où les niveaux étaient les plus élevés. Le trafic était moins important, mais les véhicules polluaient bien plus. On avait aussi des modes de chauffage, notamment, qui se reposaient davantage sur les fioul lourds, sur le chauffage au bois, avec des systèmes assez peu performants du point de vue des filtres pour retenir ce qui sortait. Donc tout ça a contribué en fait à des niveaux de pollution qui étaient très élevés dans les grandes villes. Et c'est probablement la période où ils ont atteint les niveaux les plus élevés dans les pays comme le nôtre. Alors aujourd'hui, on assiste à l'essor de la maladie d'Alzheimer, des maladies cardiovasculaires, des cancers, des infections des voies respiratoires. C'est à cause de quoi ? Il faut réaliser qu'il y a eu au cours des deux derniers siècles deux événements absolument majeurs, simultanés, qui sont liés. Le premier est un événement qui concerne notre santé, qui est la transition épidémiologique. C'est le passage de ce régime où la majorité des décès dus aux maladies infectieuses à un régime où on a de moins en moins de maladies infectieuses, où on vit plus longtemps et où on décède à des âges plus avancés de maladies qui sont ces maladies chroniques. Ça, il faut insister sur le fait que c'est quand même un événement assez impressionnant qui s'accompagne donc de cet allongement spectaculaire de l'espérance de vie qui est probablement, en tout cas à mes yeux, l'événement le plus impressionnant qui est jamais arrivé à l'humanité, à savoir en l'espace de environ 200-250 ans, une dizaine de générations, un triplement de l'espérance de vie. On passe de 25 ans un peu avant la Révolution à plus de 80 ans, 85 ans pour les femmes aujourd'hui. C'est quelque chose qui est jamais arrivé à l'échelle de l'humanité. On ne sait pas si ça se reproduira. En parallèle, sur ces deux siècles, l'autre événement, c'est la Révolution industrielle, qui a entraîné des modifications majeures de notre environnement, à tel point que certains ont considéré qu'on était rentré dans une nouvelle ère géologique, qu'on a baptisée l'Anthropocène, oui. L'ère à partir de laquelle l'empreinte de l'humain sur sa planète est tellement importante que ça se verra à l'échelle des temps géologiques, qu'on peut faire remonter, tout le monde n'est pas d'accord, mais par exemple, au milieu du XVIIIe siècle, l'invention de la machine à vapeur par Watt ou Papin. Mais qu'est-ce qui est mauvais dans l'air qu'on respire ? L'air qu'on respire, il y a un mélange avec d'abord des gaz essentiels qui sont notamment le dioxygène, 20%, qui est essentiel pour notre vie. Et puis, il y a des proportions infinitésimales par rapport à ces éléments positifs comme le dioxygène, différents contaminants. Historiquement, on a eu beaucoup de dioxyde de soufre qui avait des sources industrielles dont les niveaux ont, grâce à des réglementations assez fortes, pas mal baissé. On a des composés organiques volatiles comme le benzène, qui est un cancérigène, qui est issu notamment de la combustion des moteurs des véhicules, qui peut être issu de la fumée de cigarettes aussi. On a les particules fines, qui sont elles-mêmes un mélange, en fait. Les particules fines, il faut imaginer un quelque chose qui a une toute petite taille de l'ordre du micromètre, c'est-à-dire le millième de millimètre, et qui va être fait d'un noyau de carbone sur lequel vont se fixer des gaz comme le benzène et les oxydes d'azote, des ions comme les ions sulfites ou des ions métaux qui peuvent être liés à l'abrasion du fait des systèmes de freinage des véhicules, peut-être des liquides, tout ça étant suffisamment petit pour rester quelques jours après avoir été émis dans l'atmosphère. Et c'est aussi suffisamment petit pour pénétrer dans nos poumons, pour aller au plus profond de nos poumons, c'est-à-dire jusqu'aux alvéoles pulmonaires, qui sont l'endroit d'échange entre l'air et le système sanguin. C'est fait pour qu'on échange de l'oxygène d'un côté, du CO2 de l'autre. Mais de temps en temps, avec les systèmes de filtration qui sont là, il y a quelques particules ultra fines qui réussissent aussi à se frayer un chemin et à pénétrer dans la circulation, à atteindre nos organes, peut-être le foie, peut-être le placenta si c'est une femme qui est enceinte, ou bien rester dans les poumons où ils vont créer des processus d'inflammation. Et sur le long terme, si on a de l'inflammation chronique, ça peut contribuer au développement d'un cancer du poumon, par exemple. Ça vient d'où ? Ça vient du chauffage, ça vient des automobiles, ça vient des produits chimiques, ça vient d'où ? La pollution atmosphérique par les particules a plusieurs sources, dont en milieu urbain beaucoup le chauffage et le trafic routier. Le mélange va dépendre de certaines villes. Dans des vallées alpines, comme celle où je vis, ou dans la vallée de l'Arve, on a par exemple toute une problématique liée au chauffage par le bois non performant. On a aussi des particules qui nous arrivent de loin, par exemple du Sahara. On a aussi des particules d'abrasion qui sont issues des systèmes de freinage des véhicules qui vont se déposer, puis des fois être remises en suspension quand un véhicule roule ou quand il y a du vent. Mais moralité, où est-ce qu'il faut habiter ? Une ville idéale, c'est une ville d'abord où on polluerait beaucoup moins pour se chauffer, en ayant une isolation beaucoup plus performante et en allant vers des habitats qui, à la limite, n'ont pas besoin d'énergie pour se maintenir à une bonne température. C'est une ville où on aurait beaucoup moins de pollution par les moyens de transport, en augmentant les transports publics, en augmentant aussi l'usage du vélo, de la marche pour les déplacements courts, ce qui va être positif du point de vue des émissions de particules fines, mais on se rend compte que ça va surtout être positif pour la santé, parce qu'en augmentant un petit peu l'activité physique, on va améliorer considérablement la santé cardiovasculaire des citoyens qui sont pas assez actifs. Et puis on supprime le diesel, évidemment. C'est sûr que les différentes sources de pollution, dont le diesel, mais enfin, l'essence n'est pas non plus fantastique, ça dépend de l'âge du véhicule, ça varie d'un véhicule à l'autre, mais les véhicules individuels où on a une personne dans un véhicule de 800 kg qui se déplace avec des combustions qui libèrent du diesel, des particules ultra fines, du benzène, c'est clair que, en tout cas, en intra-urbain, on voit pas tellement l'utilité. Sans parler de l'espace qui est utilisé par ces véhicules. Je pense que dans certaines villes, avec une place de parking à 8 ou 10 mètres carrés, il y a des véhicules qui ont plus de place que certaines personnes dans leurs appartements. Shut up. in harder to steer. Yeah, been rapping in harder to steer. Watch me as I gravitate. Ha ha ha ha. We gon' ghost town, this Motown with your sound. You in the blink, gon' bite the dust. Can't fight with us. With your sound, you kill the ink. So don't stop, get it until you chant it. Feel good, c'était Gorillaz. Les Saventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter. Pour Rémi Slama, épidémiologiste à l'INSERM, notre environnement est responsable de l'essor des maladies chroniques. Tous les pays sont touchés. Aujourd'hui, cette pollution est la plupart du temps invisible. Mais dans les années 50 et 60, d'épais brouillards meurtriers pouvaient envelopper les villes, comme ce fut le cas plusieurs fois à Londres. Oui, la poussière peut tuer, même si elle peut se révéler fascinante. 22 juin 1954, à la découverte de la poussière, par Georges Franju. J'ai été attiré par deux choses, le côté spectaculaire de la poussière et le côté dramatique se rapportant à la poussière. Spectaculaire parce qu'on tourne dans des paysages extraordinaires, paysages miniers par exemple, qui sont là, les paysages sont couleur de poussière. Ils sont noirs dans les mines, ils sont blancs par exemple dans les cimenteries. Il y a des villages comme Cruaz qui sont complètement pétrifiés par la poussière blanche des fours à chaux. On tourne aussi dans des intérieurs en poussière et dans les intérieurs des usines qui travaillent le lin. Et avant d'arriver dans ces usines, on aperçoit sur des fils télégraphiques des lambeaux fibreux qui sont suspendus au fil comme des hirondelles. Mais à des kilomètres de l'usine. Et quand on est dans l'usine, alors on voit la batteuse qui bat le lin et l'usine est complètement noire. La poussière émouvante et dramatique racontée par Georges Franju, je trouve que c'est assez bien vu. Et la poussière tue, donc. Oui, la poussière tue, mais c'est vrai que pendant très longtemps, elle a fait partie du paysage. Il y a aussi Monet qui en parlait et qui disait qu'à Londres, ce qu'il aime par-dessus tout, c'est la brume et que ça l'inspirait pour ses tableaux. Maintenant, il est clair que il y a un impact sanitaire majeur de ces particules fines et on en a pris notamment conscience lors d'un épisode dramatique à Londres en 1952 où là encore la pollution était visible. À tel point qu'on n'arrivait plus à circuler dans la ville en plein jour, le trafic a été interrompu, certaines représentations de théâtre ont été interrompues parce que le fog, ou ce qu'on appelait même le smog, c'est la contraction de smoke, la fumée, et de fog, le brouillard, pénétrait dans les théâtres. Et on a observé très rapidement un excès de mortalité dans les quelques jours qui ont suivi cet épisode de smog. Des milliers de morts. Des milliers de morts en excès sur quelques semaines à l'échelle de l'agglomération urbaine de Londres. Qu'est-ce qu'on a fait ? Les pouvoirs publics ont très rapidement admis que le problème venait effectivement de la pollution et qu'il fallait probablement revoir le mode de production de l'électricité qui s'appuyait beaucoup sur la combustion par le charbon à l'époque à Londres, dans la ville, pour améliorer la qualité de l'air. 12 000 morts en 1952 à Londres, les gens sont morts de quoi ? 4 décès sur 5 liés aux particules fines et aux polluants atmosphériques sont des décès pour problèmes cardiovasculaires. Donc, on peut avoir une augmentation du risque d'infarctus du myocarde, d'accident vasculaire cérébral. Et puis, le dernier cinquième, c'est en général l'exacerbation ou le déclenchement de pathologies respiratoires. Et puis en 1962, ça a recommencé à Londres dans une moindre mesure, mais quand même. 6 décembre 1962, radiodiffusion française. Je disais, nous avons de la chance, nous n'avons pas de brouillard. En Angleterre et d'ailleurs un peu partout en Europe, le brouillard règne en maître avec tous ses inconvénients. Bronchite, carambolage sur les routes, les ports bloqués et les aérodromes. Mais à Londres, le brouillard, c'est le fameux smog, le brouillard qui tue. Et il y a déjà 66 morts. Écoutez notre correspondant. Certes, on rencontre encore beaucoup de Londoniens nantis de masques de gaz, mais ils sont moins nombreux qu'hier soir, alors que le terrible mélange de brume et de fumée industrielle réduisait la visibilité à quelques mètres. Les hôpitaux ont reçu instruction du ministère de la Santé de tenir prêt dans la région londonienne quelques 400 lits supplémentaires. Suivant l'expression d'un médecin anglais hier soir, il s'agit d'une brume additionnée réellement d'une légère dose d'acide sulfurique. Ça fait envie. Oui, et il y avait effectivement encore dans les années 60 cette problématique liée aux oxydes de soufre qui pouvait être liée soit aux émissions industrielles et à la combustion par le charbon en général, dont on a progressivement réussi à se débarrasser. Les Londoniens ont quand même si c'était probablement pas assez rapide, mais on réagit. Ils ont créé des lois dès 56 pour lutter contre la pollution atmosphérique. Et progressivement, mais c'est une tendance lente, les niveaux ont baissé, les pics ont été moins fréquents. Donc la pollution a été moins visible, à tel point que certains pensaient à la fin des années 70 que les effets sanitaires de la pollution atmosphérique avaient disparu à un moment où la pollution elle-même n'était plus directement visible. Sauf que on a continué à mesurer cette pollution et avec des approches qui étaient différentes des approches qu'on peut qualifier de avant-après, c'est-à-dire je vois la différence dans la mortalité une semaine avant et après un gros pic de pollution, eh bien on a réussi à mettre en évidence des effets beaucoup plus légers, mais bien réels, de la pollution atmosphérique sur la mortalité en établissant les corrélations entre les variations au jour le jour des niveaux de pollution avec les admissions hospitalières ou avec les décès dans les hôpitaux pour causes cardiovasculaires ou respiratoires. Et on s'est comme ça rendu compte que au niveau un peu plus bas qu'on avait atteint à la fin des années 70, il y avait toujours un problème lié à la pollution atmosphérique qui tue encore aujourd'hui. En 2019. Vous avez entendu, en 1962 à Londres, les gens mettaient des masques. Est-ce que ça sert à quelque chose ? Mon impression, c'est que la plupart des masques qui sont commercialisés aujourd'hui n'ont pas un pouvoir de filtration assez efficace pour se débarrasser vraiment des particules ultra fines. Il faut réaliser que les particules qui vont pénétrer dans nos alvéoles pulmonaires, elles ont des tailles qui sont de l'ordre du nanomètre, le milliardième de mètre, ou jusqu'à une centaine de nanomètres, ou un micromètre, et que tout ça, pour être filtré, c'est très compliqué. On peut le faire pendant quelques heures, après il faut changer les cartouches des masques. Donc les masques qui sont vendus à des prix assez bas et qu'on utilise en air extérieur vont avoir un impact très limité, sauf à rendre un peu visible cette pollution qu'on ne voit pas forcément. Donc le petit masque en papier, ça ne sert à rien ? Non, ça ne sert à rien. Il y a une pollution visible, même si les particules, on ne les voit pas vraiment, on les ressent. Et puis, il y a une pollution invisible. Oui, on est vraiment passé, je pense, au cours des derniers siècles, d'une ère où il y avait beaucoup de catastrophes visibles à une situation où on a réussi à limiter le nombre de catastrophes visibles. Il en reste encore. Ça peut être des explosions dans des usines comme l'usine de Seveso. Ça peut être des grandes catastrophes dans les transports. Mais en gros, ces catastrophes visibles ont fortement baissé. La sécurité dans les trains, dans les avions, n'a rien à voir avec celle qu'elle était dans la première moitié du XXe siècle, où la situation était bien pire. Pourtant, il y a un impact de l'environnement sur notre santé, mais il passe par des doses beaucoup plus faibles et des effets qui, au niveau individuel, sont faibles, mais qui, dans la mesure où ils peuvent toucher un grand nombre de personnes, comme c'est le cas, par exemple, de substances qui contamineraient notre alimentation et notre air, qui vont finir par avoir, en termes de santé publique, un impact réel. Donc, en gros, on est en train de passer de l'ère du poison, où on avait un petit nombre de facteurs pour lesquels on pouvait être exposé à des niveaux très élevés, qui avaient un effet à court terme, typiquement l'épisode du smog de Londres, à une situation où on a un très grand nombre de facteurs qui, chacun, individuellement, ont un impact assez faible sur un sujet donné, mais qui peuvent avoir un impact populationnel très important. 4 février 1973, première chaîne de télévision, un documentaire de Jean Lanzy. Le village, Minamata, petite bourgade côtière de l'île de Kyushu, au sud du Japon. Et la mer, cette mer où, en un quart de siècle, du fait de la suprématie du règne industriel, on a englouti plus de déchets de toutes sortes qu'en 10 siècles auparavant. La mer polluée de Minamata, où se situe le pire cas de pollution jamais constaté au monde. L'usine rejetait dans la baie des déchets chargés de mercure. Les poissons accumulaient des doses toxiques très élevées, tout en semblant parfaitement sains et consommables. Les villageois, des pêcheurs pour la plupart, se nourrissaient de ce poisson. Intoxication collective, plus d'une centaine de personnes atteintes d'une maladie mystérieuse, les unes devenant aveugles, d'autres ne coordonnant plus leurs mouvements. Analyse, recherche, le lien est établi entre les poissons, le mercure et l'usine. Mais déjà, le mal est fait. On pleure 46 morts, victimes de l'étrange alchimie de Minamata, et 75 autres personnes reste blessé à vie. Je sais que pour vous, Minamata, c'est emblématique. Minamata, c'est une catastrophe industrielle emblématique pour de nombreuses raisons. Elle n'est pas forcément représentative de ce qui peut se passer dans notre environnement, mais c'est une histoire incroyable et saisissante à beaucoup de niveaux. L'explication sous-jacente est probablement en partie lié au fait que ce métal est capable de perturber une des voies d'activation de l'hormone thyroïdienne. Et cette hormone thyroïdienne est fondamentale pour le développement du cerveau du fœtus, qui a besoin de l'hormone thyroïdienne de sa maman pour se développer. Et donc, en présence de mercure, il va y avoir moins d'hormones thyroïdiennes maternelles présentes et donc des troubles du développement du cerveau qui peuvent causer ces problèmes neurologiques qui sont révélés extrêmement sévères chez les enfants, mais qui peuvent aussi d'ailleurs survenir chez l'adulte. Donc, c'est un petit peu la naissance du concept de perturbation endocrinienne à laquelle on assiste à Minamata au milieu du XXe siècle. Minamata, c'est aussi l'illustration que c'est pas toujours facile quand on est une population de marins, pêcheurs, pas très riches, de lutter contre des intérêts économiques puissants qui représentent le modèle de développement technologique que l'État japonais souhaitait mettre en avant. Il a fallu des années pour que ces pathologies soient reconnues, pour qu'il y ait des débuts d'indemnisation. Et puis, c'est aussi la naissance d'une recherche qui s'appuie sur les cohortes, parce que une des approches qui a permis de comprendre les effets du mercure à Minamata s'appuie sur le fait que les mères japonaises ont la tradition de conserver des petits morceaux de cordon ombilical qu'elles font sécher. Et on a pu, à partir de ces morceaux de cordon ombilical séchés, faire des dosages de mercure et se rendre compte que plus le niveau de mercure était élevé, plus le risque pour l'enfant de développer ses troubles neurologiques était important. Et après, je disais que c'est pas forcément représentatif de tous les problèmes environnementaux parce que la spécificité de Minamata est liée au fait que, en fait, ces troubles neurologiques, ce qu'on appelle la maladie de Minamata, sont en fait vraiment typiques de la contamination par le mercure, c'est-à-dire qu'on est face à une maladie qu'on va appeler spécifique à l'environnement et qui surviendrait pas quand on n'est pas exposé au mercure. Et on a un petit nombre d'exemples similaires, par exemple l'amiante et ses effets sur le mésothéliome, oui. Ce cancer de la plèvre, quand même très rare en l'absence d'amiante. Certains cancers vaginaux chez des jeunes filles, à un âge où ils surviennent jamais en l'absence d'exposition au distilbène, ce médicament qu'on a prescrit jusqu'en 1977. Mais à part, disons, ces trois exemples où on a des maladies assez spécifiques d'une exposition, la plupart des troubles pathologiques liés à l'environnement correspondent à des maladies qui peuvent survenir en l'absence de l'exposition environnementale, ce qui fait qu'on a beaucoup de problèmes pour convaincre les populations, les décideurs, parfois même les médecins qui voient des patients individuels et qui n'ont pas toujours la vision à l'échelle des populations, que en fait, une certaine fraction de ces quatre pathologies ne serait pas survenue si on n'était pas exposé à des contaminants environnementaux. Le plomb dans l'essence est une histoire qui a commencé en 1925 et que l'on aurait pu éviter. L'ajout de plomb dans l'essence était destiné à doper les moteurs, mais des millions d'enfants ont été victimes de lésions cérébrales dues au plomb. Rémi Slama racontera cette histoire dans un instant. Et tout de suite, Étienne Dao et Malik Djoudi à tes côtés. Ravi, cher ami, jamais je te tournerai le dos, posé à tes côtés. Nous n'avons plus peur de rien, nos paniques, mon magique, des réponses à nos questions. Si je suis largué, maintenant je sais, je pourrais poser ma main sur toi. Passent par la peau, le tube digestif. Ils peuvent avoir des effets sur le génome, provoquer une inflammation du système immunitaire, perturber le système nerveux. Pour l'épidémiologiste Rémi Slama, les problèmes sont souvent connus mais ne sont pas pris en compte par les autorités. Un des exemples les plus emblématiques, celui du plomb, utilisé par les hommes depuis plus de 2000 ans, interdit en France dans l'essence depuis peu. Le plomb, en quelque sorte, c'est un des plus vieux ennemis de l'humanité. Donc on a un peu tendance à dire que le plomb, c'était le plastique des Romains qui pouvaient fabriquer des canalisations, tout un tas d'objets avec le plomb. Et on a d'ailleurs continué à le faire pendant assez longtemps. Le plomb, malheureusement, et les Romains en ont déjà eu l'intuition, c'est une substance qui va avoir des effets sanitaires graves, notamment sur notre système nerveux, aussi sur les reins. et sur d'autres systèmes. La première situation d'exposition qui a permis de s'en rendre compte, c'est la contamination de l'alcool par le plomb. De l'alcool. L'alcool, effectivement, en fait, et ça remonte au moins aux Romains. À l'époque, ils n'avaient pas de moyen de faire de sucre. Et donc, à part le miel, il n'y avait pas tellement d'autres façons que de faire du sucre que de faire cuire du vin. C'est ce que les Romains appelaient notamment cepa, un vin cuit très doux, dont les plus riches pouvaient se servir pour sucrer les aliments. Sauf qu'en général, c'était cuit dans des récipients en plomb et que ça libérait de l'acétate de plomb, qui a un goût absolument fantastique et doux, sauf que c'est un poison terrible qui contaminait ceux qui le buvaient. À tel point que certains médecins ont fait l'hypothèse que la chute de l'Empire romain pouvait en partie être due à la contamination assez forte des empereurs par le plomb. Et c'est vrai que beaucoup d'empereurs romains ont terminé stériles, fous, avec des pathologies cardiaques. Et on a retrouvé dans des tombes romaines des niveaux de contamination par le plomb absolument colossaux par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Mais c'était à l'époque des Romains. C'était à l'époque des Romains, mais ça s'est poursuivi pendant assez longtemps. Parce que jusqu'au Moyen-Âge et au XVIIe siècle, des viticulteurs se sont rendus compte qu'en ajoutant de l'acétate de plomb, ils pouvaient transformer un vin un peu acide en quelque chose de tout à fait buvable. Et d'ailleurs, des premiers travaux épidémiologiques assez intéressants ont montré une corrélation entre la durée de l'ensoleillement l'été et des problèmes gastriques qui survenaient, ce qu'on appelait des coliques, il y en a eu notamment dans le Poitou. Et ça s'expliquait par le fait que quand la saison ensoleillée était courte et que les récoltes étaient précoces, le vin était plutôt de la piquette, on avait tendance à l'additionner de plomb. Et ce qu'on observait, c'était des pathologies et des coliques liées à l'intoxication par le plomb. Ce problème a perduré jusqu'au 19e siècle, et notamment les Anglais qui, à la suite d'un certain nombre de conflits qu'ils ont pu avoir avec la France, à un moment avaient cessé de s'approvisionner en vin de Bordeaux, consommaient beaucoup de Porto, eh bien, dans la mesure où le Porto était un vin cuit et qu'il y a longtemps, nos amis portugais le cuisaient aussi dans des récipients en plomb, était contaminé à des niveaux assez élevés par le plomb. Et dans les romans du 19e, quand on a un vieil aristocrate qui boit son Porto et qui a des problèmes de goutte, qui a un problème de circulation et qui s'accompagne de problèmes rénaux, il y a de bonnes chances que ce soit lié au Porto et à la contamination par le plomb qu'il subissait. Et ce problème du plomb, il a perduré chez nous jusqu'à il y a peu, finalement. Oui, il y a eu une deuxième époque et une deuxième source de contamination très importante. C'est lié à la peinture. En fait, on peut faire avec du plomb une peinture extrêmement couvrante qui s'appelle le blanc de Céruse. Les Égyptiens, Néfertiti probablement, utilisaient ça comme phare. Et c'était un très beau blanc. Le blanc des peintures de Rembrandt est un blanc de Céruse qui contient du plomb. Maintenant, les ouvriers qui, au 19e et jusqu'au 20e siècle, fabriquaient cette peinture de céruse avaient tendance à respirer des poussières de plomb qui faisaient qu'à un certain moment, à Paris, au milieu du 19e siècle, une grande proportion des ouvriers qui étaient dans les hôpitaux parisiens étaient des ouvriers des fabriques de plomb, alors que le nombre de fabriques de plomb était relativement limité. Il y a eu une enquête du ministère de la Salubrité publique, l'ancêtre de notre ministère de la Santé, qui a conclu que le procédé de fabrication français était excellent et qu'il fallait surtout pas utiliser le procédé hollandais, qui pourtant limitait fortement les émissions de poussière de plomb. Mais c'est pas du tout parce que c'était bon ce processus français, mais c'est simplement parce que le comité d'experts qu'ils avaient choisi pour évaluer le problème était constitué de l'inventeur du procédé, d'un ami du directeur de l'usine et d'un de leurs amis. Donc il y avait des problèmes de conflit d'intérêts majeurs qui ont fait qu'il a fallu beaucoup de temps en fait pour finalement interdire l'exposition des ouvriers à la peinture au plomb. Et l'interdiction formelle de plomb dans la peinture en France, c'est même les années 90. Donc c'est pas si vieux. C'est pas si vieux. Et ça a continué quand même, les problèmes de plomb. Les problèmes liés au plomb ont continué. Et notamment en 1925, il y a une nouvelle source d'exposition au plomb qui est survenue dans notre environnement, qui est l'essence. Alors en 1925, on est aux États-Unis dans l'industrie automobile. Et là, c'est Ford qui domine le marché grâce au nouveau modèle de sa Ford T, qui est produit en masse, qui est un des premiers modèles qui se vend pas très cher. Donc c'est la démocratisation de l'automobile et son concurrent immédiat est là à regarder les ventes de Ford s'envoler et à se demander ce qu'il pourrait faire pour lutter contre ça. Ils ont eu l'idée d'essayer d'améliorer la combustion des moteurs, qui était loin d'être excellente à l'époque, avec des problèmes de détonation et de contrôle des phénomènes de combustion dans les moteurs. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait deux substances qu'ils pouvaient ajouter dans l'essence pour améliorer les phénomènes de combustion. Et ils ont choisi d'ajouter le plomb. Et ils se sont mis à commercialiser ce qu'ils ont appelé le plomb tétraéthyle. Et cette année-là, ils ont remporté, et en l'occurrence c'est General Motors, cette société, les trois premières places au Grand Prix de Minneapolis, ce qui leur a permis de gagner des parts de marché face à leurs concurrents. Mais ce qui a aussi entraîné une contamination majeure de l'environnement par le plomb qu'on a commencé à émettre à partir des gaz d'échappement des véhicules. Jusqu'en quelle année, Rémi Slama ? Ça a perduré des décennies parce que là encore, tout a été fait par l'industrie qui est à l'origine de cette utilisation de plomb pour minimiser l'importance de ces rejets, pour ne pas entendre les médecins qui, dès 1925, leur avaient dit que c'était une très mauvaise idée de mettre du plomb dans l'essence. Et ce qui fait qu'aux États-Unis, il a fallu attendre les années 80 pour limiter et interdire l'essence par le plomb. Et il y avait déjà à cette époque un suivi de la contamination dans le sang du plomb chez les enfants. Et on s'est rendu compte très rapidement après l'interdiction de l'essence au plomb que les problèmes de plombémie et de saturnisme ont décru chez les enfants. Et en France, et il a fallu attendre 2000 pour qu'on interdise l'essence, un phénomène similaire s'est produit. Les données que Santé publique France produit montrent une diminution très forte du saturnisme grâce à cette interdiction du plomb dans l'essence. Ce qui montre que on peut très bien se débarrasser de certaines nuisances environnementales, sans forcément, en l'occurrence, dans ce cas-là, empêcher les gens de se déplacer. Mais comment est-ce que vous expliquez qu'on ait laissé du plomb dans l'essence alors qu'on connaissait les dangers du plomb ? C'est effectivement un drame et qui est d'autant plus regrettable qu'en 1925, quand cette entreprise avait a choisi de mettre du plomb dans l'essence, ils avaient une alternative qui était l'alcool. Et l'alcool, quand ça brûle, en gros, ça fait du dioxyde de carbone et de l'eau. Donc, c'est des gaz à effet de serre. C'est pas génial pour le changement climatique, mais du point de vue sanitaire, il n'y a pas de conséquences directes. Et la raison principale pour laquelle ils ont choisi le plomb, c'est malheureusement qu'ils pouvaient breveter le plomb tétraéthyle alors qu'il n'y avait pas moyen de breveter l'alcool, qui est une substance que tout le monde utilisait. Donc, c'est typique d'une époque où certaines grosses entreprises avaient suffisamment de moyens pour museler la science, acheter des scientifiques si c'était nécessaire, pour faire croire ou convaincre les décideurs que tout ce qu'ils faisaient était bon pour la société à partir du moment où c'était bon pour l'entreprise dont ils représentaient les intérêts. For me in the sun, laying down to soak it all in before we had to run. I was always 10 feet behind you from the start, didn't know you were gone till we were in the car. Oh, the glory of it all was lost on me till I saw how hard it'd be to reach you, and I would always be light years away from you, light years away from you. Thought I saw your mother last weekend in the park. It could have been anybody. It was after dark. Everyone was lighting up in the shadows. Alone, you could have been right there next to me, and I'd have never known. Oh, the glory of it all was lost on me till I saw how hard it'd be to reach you, and I would always be light years, light. miles away from you. Light Years, c'était The National. Les aventuriers sur France Inter. De nombreux centres de recherche dans le monde sont spécialisés dans les sciences de l'environnement. On y fait des dosages dans l'urine, les cheveux, le sang, les ongles, les dents, les os. On étudie les effets des contaminants sur la santé. On cherche à comprendre ce que provoque à faible dose le mélange de plusieurs substances, soit l'effet cocktail. Rémi Slama dirige l'équipe d'épidémiologie environnementale de l'Institut pour l'avancée des biosciences à Grenoble. Alors vous, qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous travaillez? Dans mon équipe à Grenoble, on travaille auprès des femmes enceintes, auprès des enfants qu'on suit, chez lesquels on va mesurer un certain nombre de polluants environnementaux en leur donnant des dosimètres grâce auxquels on va mesurer la pollution atmosphérique, en faisant tout un tas de prélèvements, notamment d'urine et de sang. Dans l'urine, on va doser des polluants chimiques peu persistants comme le bisphénol, les phtalates. Dans le sang, on peut doser des polluants plus persistants comme les PCB ou le DDT, qui est interdit mais qui sont toujours présents. Et puis en suivant ces femmes enceintes et ces enfants le plus longtemps possible, on va voir si celles et ceux qui ont été exposés au niveau de pollution les plus élevés ont des altérations de certains paramètres biologiques, comme des marques épigénétiques, certains problèmes liés à la vascularisation du placenta, ou des problèmes de santé plus importants, peut-être du surpoids, peut-être des problèmes neurologiques. Vous avez découvert que des bébés étaient en surpoids à cause d'exposition in utero. Les premiers travaux qu'on a réalisés touchent la pollution atmosphérique pour laquelle ce qu'on observe, c'est une restriction de la croissance du fœtus. Donc les mamans les plus exposées aux polluants atmosphériques et notamment aux particules fines ont tendance à faire des bébés de petit poids. Il est possible que ça s'explique par une altération de la vascularisation du placenta, qui est l'organe qui contrôle les échanges entre la mère et le fœtus. Il est possible aussi que ça s'explique par des altérations de la fonction cardiovasculaire de la mère pendant la grossesse. Et à partir de là, ça pose la question des conséquences à plus long terme de cette exposition. Parce qu'on sait que les bébés qui ont un faible poids de naissance vont avoir tendance à avoir ce qu'on appelle un rebond de poids, qui fait qu'ils risquent d'avoir un poids et une croissance accélérée, au contraire, dans les premières années de vie. Et il y a quelques travaux qui suggèrent cet effet sur la prise de poids dans l'enfance, ce qui nécessite, dans la mesure où la prise de poids a de nombreux déterminants, notamment liés à l'activité physique, ni au régime alimentaire, de mesurer à la fois très précisément les polluants atmosphériques et aussi l'activité physique, ce qu'on fait dans nos études en utilisant notamment des accéléromètres, et aussi la prise alimentaire de ces enfants. Vous nous avez raconté tout à l'heure l'histoire du plomb. Est-ce qu'il y a d'autres histoires qui se poursuivent actuellement et qui mettraient en cause d'autres produits que le plomb? Il y a clairement des inquiétudes en lien avec les pesticides organophosphorés, qui sont ceux qui ont remplacé les pesticides organochlorés. Ils sont moins persistants dans l'organisme, mais ce n'est pas parce qu'ils sont moins persistants qu'ils ne vont pas avoir d'effet, surtout qu'on y est exposé de manière quasi permanente parce qu'ils sont présents dans notre alimentation, peut-être dans l'air. On a des agents qui se comportent un peu comme des pesticides, qui sont des biocides et qu'on utilise au quotidien, peut-être pour augmenter notamment la conservation des cosmétiques. Certains sont réglementés, mais ils ne sont pas complètement interdits. C'est le cas du triclosan. Et le triclosan, c'est aussi un perturbateur de l'axe thyroïdien chez l'animal. Nous, on a des éléments qui suggèrent que ça pourrait ralentir, diminuer la croissance de la tête des nouveau-nés. Et on se demande si ça pourrait pas avoir des effets sur le neurodéveloppement. 17 février 2013, Journal de France 2. La santé, et je vous le disais, ce message très fort envoyé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé qui dépend de l'ONU. Elle a décidé de classer la pollution de l'atmosphère, la pollution de l'air que nous respirons tous les jours, parmi les causes directes de cancer, au même titre donc que le tabac ou l'amiante. Jean-Daniel Flézaquier. Incolore, inodore, insidieuse, cette pollution a diverses sources, les transports, l'industrie, le chauffage urbain. Des sources à l'origine d'un drôle de cocktail. Dioxyde de soufre, dioxyde d'azote, monoxyde de carbone, ozone et les fameuses microparticules. Ces microparticules, dont les moteurs diesel sont de grands producteurs, mesurent moins de 2,5 millièmes de millimètre, une taille qui leur permet de pénétrer dans le fond du poumon et d'y libérer des agents toxiques. Des toxiques qui, en passant dans le sang, vont provoquer l'apparition de cancers du poumon et de la vessie. Cette décision de l'OMS, est-ce que c'est un message fort pour vous ? C'est un message fort de classer carcinogène les polluants atmosphériques. C'est une reconnaissance importante, mais entre guillemets, ce n'est qu'un message. Alors, l'Organisation mondiale de la santé fait un travail très important. C'est vraiment un organisme international qui est à l'écoute des connaissances scientifiques et qui est en mesure, de par son indépendance, de faire la synthèse de ces connaissances scientifiques. Maintenant, j'ai envie de dire... Malheureusement, du point de vue de la santé publique, elle n'a pas de pouvoir réglementaire, ce qui fait que ces messages n'ont pas valeur de loi pour les États, même quand les États signent et acceptent les déclarations faites par l'Organisation mondiale de la santé. Et la pollution atmosphérique est vraiment illustrative de cette situation parce que, à l'heure actuelle, l'Organisation mondiale de la santé recommande de ne pas dépasser le niveau de 10 microgrammes par mètre cube pour les niveaux annuels de particules fines dans l'air ambiant. Et en Europe, la réglementation décidée à Bruxelles et qui a valeur en France est à 25 microgrammes, deux fois et demi le niveau recommandé par l'OMS à Genève. Nos voisins américains outre-Atlantique, eux, sont à 12, donc beaucoup plus proches de la valeur de 10 recommandée par l'Organisation mondiale de la santé. Est-ce qu'on écoute les scientifiques comme vous ? Vous alertez depuis des années sur les conséquences de cette pollution. Quand on regarde pas mal de textes de loi, on est frappé de voir le peu de place que la science a là-dedans. Il y a très peu de domaines pour lesquels on va mettre au premier plan la santé ou la science et dire les niveaux limites de telle ou telle substance vont être fixés de telle sorte qu'il n'y aura pas ou il n'y aura pas plus qu'un décès pour 1 million de personnes ou 100 000 personnes exposées. On a maintenant des agences sanitaires quand même plus fortes qu'avant, qui ont fait des gros efforts pour limiter et se débarrasser des problèmes de conflits d'intérêts. Donc je crois que ça peut servir vraiment de voie d'amplification du message des scientifiques, qui par ailleurs ne sont pas forcément formés pour transmettre un message clair et simple aux décideurs, qui ne sont pas non plus les personnes qui sont les mieux à même d'intégrer toutes les problématiques et de fournir des solutions clés en main aux décideurs. Oui, avec tout ça, comment est-ce qu'on va respirer demain ? Demain, on peut espérer qu'on serait capable de très bien respirer si on était dans des villes où à la fois l'isolement des logements, les modes de transport auraient fait de grands progrès avec beaucoup moins d'émissions de produits de combustion, où la réglementation des produits chimiques se ferait avec beaucoup plus de contrôle avant la commercialisation des substances qui permettraient de ne pas mettre sur le marché des substances qui vont se révéler des années plus tard nocives, et puis où on appliquerait le principe de précaution, à savoir qu'à partir du moment où on a des inquiétudes graves sur une substance, eh ben on va peut-être temporairement la suspendre tant qu'on n'a pas établi de certitude. Donc il n'y a pas de raison, je crois, qu'on ne soit pas capable de vivre dans un environnement beaucoup plus propre, même dans un contexte où la population augmenterait fortement en taille. Et la science peut aider ? La science est centrale, bien sûr, pour aider à faire des bons choix et faire en sorte que les inventions du quotidien ne soient pas néfastes à notre santé. Pour comprendre encore mieux les effets des substances nocives sur notre santé, il faut lire le livre de Rémi Slama, Le mal du dehors, paru aux éditions Coué. Pour réécouter Rémi Slama, direction franceinter.fr. Cette émission, comme toutes celles de cet été, est disponible sur Internet. Vous pourrez également retrouver Rémi Slama et de nombreux chercheurs de cette série dans un livre qui paraît chez Flammarion mercredi, Les promesses de la science. Science, un ouvrage préfacé par Joël de Ronay. Stéphanie Texier réalise Les Saventuriers avec Rebecca de Nantes. La programmation musicale est signée Djoubaka. À la documentation musicale, Romain Couturier. Merci également à Sabine Dahuron de l'INA pour les archives sonores. Les Saventuriers seront de retour le week-end prochain au programme Le cerveau des bébés avec Ghislaine Dehaene et comment la science peut aider les enseignants à trouver des méthodes d'apprentissage efficaces avec Olivier Houdet. Passez une très bonne fin de journée sur France Inter. Dans un instant, Jean-Claude Amezen. À la semaine prochaine. Thank you.